Leçon 4, page 50. Écoutez le reportage « Les 35 heures et le temps des loisirs ». Qu'elles créent ou non des emplois, les 35 heures changent la vie. Aujourd'hui, 4 salariés sur 5 jugent leur nouvel emploi du temps positif ou très positif pour eux personnellement, selon un récent sondage de la Sofres. Principales bénéficiaires, la vie de famille. 68% des femmes utilisent leur RTT pour se consacrer aux enfants. Les hommes ne sont pas en reste, à l'image de Jean-François, 38 ans, responsable informatique à Rueil-Malmaison. Dans mon quotidien, c'est plus de temps pour moi et pour les enfants. C'est-à-dire que c'est maintenant la possibilité d'avoir des jours où je les emmène à l'école, ce que je faisais pas du tout avant. Et du temps pour des courses ou des choses que j'ai pas le temps de faire en dehors ou que l'on fait de manière plus souple et plus agréable que le rush du samedi ou du week-end. Plus de temps pour la famille et pour soi. Les clubs de remise en forme croulent sous la demande. Au Gymnase Club, les inscriptions ont augmenté de 15% en un an. Et Pedro Randez, le président de la société, constate un changement des habitudes de sa clientèle. Depuis la mise en place des 35 heures, on a constaté qu'on a désormais des gens qui viennent entre 10h et midi. Et on constate surtout que la courbe de fréquentation forte de fin d'après-midi commence dès 17h et non plus seulement à partir de 18h. On a un autre constat, c'est qu'on a désormais des demi-journées, le vendredi après-midi, le lundi ou le mercredi, sur lequel on a plus de fréquentation que les années précédentes. Et c'est d'autant plus vrai depuis septembre 2000, c'est-à-dire à partir du moment où les salariés, je pense, ont intégré ce temps supplémentaire qui leur a été donné par les 35 heures, et que peut-être après s'être posé des questions sur l'usage de ce temps, ont décidé de s'occuper d'eux-mêmes, de se soigner, de faire du sport, et de conserver ce temps pour eux-mêmes, et non pas pour les autres. Enfin, les salariés se redécouvrent une passion pour l'escapade. La demande pour les week-ends de 3 jours à Venise, Tunis ou Marrakech explose. Dans ce créneau, Jacques Maillot, le président de Nouvelles Frontières, enregistre une croissance de 25%. D'abord, des clients très fidèles de Nouvelles Frontières et aussi, quand même, un pourcentage significatif de nouveaux clients. Et à la fois, je dirais, des petits et moyens salariés, à condition que le prix soit ultra compétitif. Et alors, il y a un phénomène aussi qu'il faut souligner, beaucoup de cadres qui utilisent leurs jours d'RTT et même qui décident, à la dernière minute, de partir le jeudi midi ou le jeudi soir.